Vous écoutez Culte, le podcast culturel. Aujourd'hui, Wolfgang Beltracchi. Je vais vous raconter comment il a berné le monde de l'art pendant 20 ans avec l'art et la manière pour devenir peut-être le plus grand des faussaires. Wolfgang et l'art, c'est une longue histoire. Son père est restaurateur de tableaux et lui apprend très jeune la peinture. Le petit l'accompagne souvent dans les églises où il restaure les œuvres. Et il se met rapidement à peindre avec talent. Il part donc étudier à l'Académie des Beaux-Arts. Mais les études l'ennuient et il embrasse vite une vie de nomade et devient hippie. Il parcourt l'Europe et l'Afrique du Nord dans sa camionnette. Il se promène, profite de la vie, peint des petits tableaux, pas de vraie activité, mais plein de petits boulots. La vie de bohème. Il peint quand même quelques toiles à son nom. Il cherche son style. Mais sans vraiment le trouver, il prit celui des autres, les meilleurs. C'est comme ça que commença la carrière de Wolfgang le faussaire. Il a une idée de génie. Ne pas plagier simplement un tableau, mais de peindre à la manière d'eux. D'imaginer la toile que l'artiste aurait pu concevoir. Comment ? En repérant les œuvres qui manquent dans les inventaires des peintres et leur donner vie. Il imagine les tableaux disparus, sans photos, que même les experts n'ont jamais vus. Et là, il est le meilleur. Première étape, le matériel. Il chine les tableaux du début du siècle sans valeur dans les brocantes et supprime l'œuvre d'origine. Il lui faut trouver de vieux tubes de peinture avec des pigments anciens. Il utilise même du café pour donner une apparence vieillie à ses toiles. Étape suivante, la préparation. Des recherches pendant des mois. Il se rend sur les lieux fréquentés par l'artiste, vivant même parfois comme à l'époque de la création du tableau. Il fallait qu'il arrive à se projeter dans l'imaginaire du peintre, à s'approprier les œuvres de l'intérieur, s'imprégner au maximum pour que le tableau jaillisse. Comme l'a dit plus tard un expert de l'art, Trompé, qui a authentifié plusieurs de ses tableaux, on ne voit aucun trait de regret. Aucune correction dans les peintures de Beltracchi. Et c'est ce que je notais toujours. L'œuvre jaillissait sans la moindre hésitation. Un virtuose. L'argent n'était même pas un moteur. Il lui arrivait de contrefaire des tableaux de peintres inconnus, pour le plaisir. Mais ça ne dura pas longtemps. Il rencontre sa femme en 1992, Hélène Beltracchi. Ils ont la même vision de la vie, le même amour de l'art. Il adopte son nom à leur mariage pour devenir Wolfgang Beltracchi. C'est la rencontre de deux personnages qui foutront un sacré bordel dans le monde de l'art pour devenir les Bonnie and Clyde du marché de l'art. Il y a une forte complicité dans le couple et les rôles sont rapidement partagés. Lui s'occupe de la peinture et elle de la vente. C'est une affaire qui roule. C'est donc avec sa femme qu'il passe à la vitesse supérieure, et c'est le début de l'organisation Beltracchi, composée du couple et du comte Otto, un vieil ami qui se charge de la communication avec les galeristes et les experts. Ils inventent un scénario pour tromper les spécialistes et faire authentifier leurs tableaux. Les grands-parents respectifs de Hélène et Otto ont fréquenté avant la guerre un galeriste juif, à qui ils ont acheté des toiles et qui sont restés dans le patrimoine familial. Un galeriste qui a vraiment existé, et des grands-parents bien réels, mais qui n'ont jamais possédé un tableau. Et tout était mis en place pour rendre l'histoire bien crédible. Il produisait des clichés sépia, censés être d'époque où il mettait en scène les tableaux. Il arrivait même que Hélène, déguisée, se fasse passer pour sa grand-mère et pose à côté des tableaux. Ils ont su parfaitement jouer sur la faiblesse du marché de l'art, la quête du chef-d'œuvre retrouvé. Et c'est grâce à une période sombre de l'histoire de l'Allemagne qu'ils rendent crédible leur histoire, sans complexe. Hitler aimait l'art, mais détestait le modernisme et de nombreux tableaux disparurent à cette époque. Et quand des milliers de juifs ont dû fuir l'Allemagne, énormément de tableaux ont été abandonnés. Avec les disparitions et spoliations de la Seconde Guerre mondiale, ça lui laissait un grand terrain d'expression. Et il ne se prive pas, les signatures sont prestigieuses. Max Ernst, Georges Braque, Fernand Léger, André Derain. En général, pour chaque artiste, un grand expert spécialisé fait foi. S'il est convaincu, le tableau est authentifié, peut entrer dans le catalogue raisonné et les prix peuvent monter. Et depuis la fin des années 70, les prix du marché de l'art commencent à s'envoler, souvent plusieurs millions. Le business devient donc florissant pour les Beltracchi, Bernard expert, galeriste et collectionneur. À la grande époque, il roule dans sa Jaguar, loge dans les plus grands palaces quand il n'est pas dans une de ses propriétés. Il en profite pour mener la belle vie. Mais petit à petit, il se met à commettre des erreurs, des actes manqués. Il lui arrive de faire des fautes d'orthographe dans le nom du tableau. Finalement, il parie trop souvent sur la légèreté et parfois sur la vénalité des experts. Mais c'est grâce à ces mêmes experts qu'ils vont être démasqués. Avec un recoupement d'expertise artistique et des analyses scientifiques des matériaux utilisés et des pigments, des faux tableaux sont découverts. Quelques loupés donc, avec des œuvres qui sont déclarées fausses par les experts. La fin de la belle vie approche. Peu à peu, la police judiciaire de Berlin enquête sur l'origine de ces faux tableaux proposés aux galeristes et aux experts. Les policiers enquêtent donc, et remontent le fil de plusieurs affaires de faux tableaux qui ont été expertisés comme tels, et se rendent compte qu'à chaque fois, les mêmes noms apparaissent dans les dossiers, Hélène et Otto. Le scandale éclate en 2010, et le procès de ceux qui ont écoulé pendant plus de 20 ans des faux tableaux commence. Mais les Beltracchi ont de la chance, et le tribunal est coincé par la prescription pour de nombreuses œuvres. Et finalement, ils ne seront jugés que pour une poignée de tableaux, 14, alors qu'il en avouera plus tard plus d'une centaine. Faussaire et fier, il déclara pendant le procès « Je sais, je me suis mal conduit, mais je dois avouer que c'était vraiment amusant. » Après un accord avec le juge et un procès très rapide, le couple écopera finalement de 6 ans et 4 ans de prison par la justice. Mais c'est surtout le procès qui met en lumière le marché de l'art et ses failles, qui révèle aussi la crédulité et le manque de sérieux de ce marché. Plusieurs experts, en le sachant ou non, l'ont bien aidé. Il a arrangé aussi quelques galeries qui ont fait de très belles plus-values grâce à ses tableaux. Malheureusement, il n'existe plus beaucoup de chefs-d'œuvre à découvrir, quand dans le même temps, il y a de plus en plus de riches prêts à investir énormément dans l'art. Certaines de ses œuvres sont toujours noyées dans les plus grandes collections du monde. Aujourd'hui retiré, il vit à Montpellier et continue de peindre des tableaux sous son nom. Ils sont prisés par les collectionneurs. On achète maintenant un personnage, une histoire. Pour certains, un génie, pour d'autres, un peintre incapable d'avoir son propre style. Il peut être résumé ainsi par Henri Bellette. Il n'existe pas de génie du faux, sauf ceux qui n'ont pas été attrapés. Culte. Thank you.